long générique de Pyongyang City Rockers en ce 28 décembre 2022. En général, quand les génériques sont longs, c'est qu'il y a du monde autour de la table. Il y a du monde au balcon. Il y a du monde là, ça. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous, comme je l'ai dit, un 275e épisode du Acouphène Radio Show, je veux dire, du Pyongyang City Rocker. Avec ce soir Thibaut, Célia, Audrey, Val et Jamo, et à la technique le très grand, le magnifique Jérémy Robin. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Voilà, donc comme d'hab, des nouveautés, chacun a choisi un morceau, deux morceaux, trois morceaux à vous présenter. On a oublié de dire, toujours absent ce soir. Grand leader Stéphane, ouais. On espère soit le voir en fin d'émission ou alors dès la semaine prochaine, derrière les micros de Radio Campus Lille. Alors, qui va commencer ce 275e épisode du Pyongyang City Rockers? Déjà, il faudrait que je trouve... Allez Thibaut, dis-moi, je suis chaud, il est déjà prêt. Alors, c'est un groupe qui nous vient de Cincinnati, en Ohio, USA. Un groupe qui s'appelle Crime of Passing, qui n'en est pas à sa première sortie. Il y a eu 3-4 EP démos avant du coup leur LP éponyme qui est sorti en avril dernier. Le titre que j'ai sélectionné s'appelle Midnight Underground, c'est du post-punk. Et on va commencer en douceur avec ça. Allez, c'est parti. Let's go. Très bien ça Thibaut. Ouais. Belle sélection. Tu nous rappelles le titre de l'artiste? Le titre de l'artiste. Passing. Il y a Passing dedans. Crime of Passing, voilà. Ça c'est le nom du groupe. Et l'album il est éponyme du coup. Et le titre c'est Midnight Underground. Merci Thibaut. Je t'en prie. Pour cette découverte. Merci. Et sans transition, moi j'ai envie de vous parler de Warm Duscher. Je suis pas sûre de la prononciation. Et le morceau il s'appelle I Got Friends. C'est londonien, comme le nom ne le laisse pas penser. complètement barré, fusion, punk, stooge, disco, c'est pas mal à mettre dans ta petite playlist des fêtes, quelles que soient les fêtes. C'est quoi le style stooge? C'est un clin d'œil à un truc Iggy Pop? Non. Non. C'est la première fois que j'entends ça en style musical. Ouais. Tu verras. C'est okay. Très... Ouais, mais si ça mélange, est-ce que je reconnais? C'est pour toutes les fêtes, du coup, ça doit être surprise, non? C'est surprise. Ah, surprise. Surprise. Okay. Le nom Warm Duscher, je ne sais pas s'il y a des Allemands dans la salle, est une construction du groupe, donc issue de l'allemand, qui signifie littéralement douche chaude. C'est Warm. Ouais. Non, mais là, c'est Warm comme warm. Chaud en anglais, en fait. Ouais, mais ça se dit la même chose, ça se dit Warm en allemand. Ouais. En opposition avec le groupe lillois Douche Froide, du coup. Ouais. Et donc, du coup, je pense que ça fait un peu référence à Douche Bag. Hein, ça me fait un peu, ils ont fait un truc, quelqu'un qui prend une douche avec de l'eau chaude. Douche Bag. Mais Douche Bag, c'est pas. C'est plutôt en anglais, c'est plutôt un tocard, quoi. C'est pas un coloc, Douche Bag. Douche Bag ou un connard, c'est plutôt. C'est un connard, tu vois. Et là, en gros, c'est leur façon à eux de. Ils s'appellent connard. En gros. Voilà. Du coup, voilà, ce néologisme se réfère familièrement à quel... c'est eux qui disent ça. Hein. Ah ouais, se réfère régulièrement Google Trad l'a dit. À quelqu'un qui est perçu comme un petit peu trop mou, genre tu prends une douche chaude et après t'es tout mou, t'es tout bien machin, et qui supporte pas la vie en général, un fragile quoi. Bref, bon, je trouvais que cette anecdote était plutôt pas mal. I got friends. Écoutons le style disco punk stooge. Un morceau pour tous les douchebags qui nous écoutent. Ouais. Et voilà. Très très bien ça, monsieur. À l'instant, on vient d'entendre Wine Lips avec leur morceau Get Your Money. Du coup, un groupe de Toronto au Canada qui visiblement revient d'une tournée en Europe qui a dû plaire à notre cher président, monsieur Bross. Et... un petit bisou à lui. Et pourquoi ça lui aurait plu ? Il est allé ? Bah, je peut-être. Ah, d'accord. Il y a moyen. C'est là dans sa playlist. Mais ouais. Comme tu l'as dit, hein, ça fait penser aux Hives, ça fait penser à Fiddler. Ouais. C'est toute cette veine-là du Canada quand il fait froid. Oui, avec une petite Californian touch quand même, dans la façon de jouer la guitare. Un peu de soleil. Oui. C'est ce qu'on veut. Ouais, il fait un peu frais. Bon, à Skip, c'est à moi de parler. Allez, oh, parle, Wondergaël. Dis-nous tout sur ton... Tu veux quoi, Jérém? Allez, on va passer à un morceau presque inédit. Il est déjà passé sur un podcast en Espagne. Alors, ceux qui n'ont pas chopé le fanzine No Fuss accompagné de sa cassette sont sûrement passés à côté de ce morceau ressuscité d'Ultra Radia, Tordu qui s'appelle. Il a été enregistré en décembre 2019, mais il a été écarté du split qu'ils ont sorti avec Dead Hero, un groupe de Montréal, mais aussi de Bogota. Pas utilisé depuis, c'est le fanzine autrichien qui en a bénéficié. Et comme le morceau n'est disponible nulle part d'autre à l'écoute pour l'instant, eh ben j'ai décidé de vous le passer. Et sur cette cassette, on y retrouve aussi pas mal de groupes qui ont de l'actu en ce moment, dont les Suisses de Revanche, qui viennent de sortir un nouvel EP sur Primator Crew et qui est le groupe du mois sur Dougies Radio. Le groupe néerlando-anglais Roughed Up. J'en profite pour faire un petit big up à Ronnie, les Toulousains d'Asphalt ou encore les Américains de Violent Way avec une reprise qui fera sûrement grincer des dents certains ou certaines d'entre vous. Pour le contenu du fanzine, bah, je vous laisse fouiller un peu. Le seul truc que je vous dirais, c'est qu'il est écrit en anglais et non pas en allemand. Et c'est tant mieux. Allez, Ultra Radia, Tordu sur Radio Campus Lille 106,6. Et merci pour le cadeau. Hein. Merci pour ta sélection, Ultra Radia. Ouais, merci. En tous les cas. Merci à eux de l'avoir envoyé. Ouais, j'en profite à remercier Martin. Martin qui est toujours open quand j'ai besoin de petites informations sur Montréal. Et là, comme je voulais pas vous passer la cassette pour pas abîmer ma bande dans les lecteurs de Radio Campus. D'ailleurs, il y a encore une cassette. Tiens, voilà, j'enlève. Ah. Eh ben, j'ai demandé le MP3, chose qui s'est non, le WAV, il s'est empressé de me l'envoyer. Merci encore à lui. Bisous. Qui prend la suite? Ah, bah, écoute, tant que ça bombarde comme ça, on va enchaîner avec Bombardement de Bordeaux. Là, ils ont fait pas très avec Bombardier de Bordeaux aussi. Exactement. Tu me fais des beaux jeux de mots. Mais on fait des enchaînements dignes d'un lendemain de fête aujourd'hui. Du coup, ça sera bientôt la fête avec Bombardement aussi. Enfin, ça faudra attendre le 9 mars 2023 quand même au CCL. Une orga, demi-cas d'ailleurs. Je suis très pressé de voir ce que ça dit en concert, ça. Donc, ils nous viennent de Bordeaux. Ils ont sorti un très bon album cette année qui s'appelle Le Futur est là. Et le titre que je vous ai sélectionné s'appelle Immondice. Ça a l'air très intéressant, du coup. On se fait bombarder d'immondices. Oh, j'adore. Ouais, du coup, c'est du grind. Plutôt 10 bits. Crust. Hardcore punk pour moi, mais. Bombardement d'immondices. C'est du crusty crust. C'est un petit côté suédois à la Larma, des choses comme ça. Ça va plaire à Stéphane. C'est bon, qui n'est pas là. C'est des odes à Stéphane. Oh Stéphane, je suis colère, je suis fâchée, je suis trahison. Ouais, moi aussi j'ai prévu un petit morceau aussi pour lui. Bombardement, Radio Campus Lille. Le futur est là. Sur Radio Campus. Bombardement. Ouh yeah, c'était bien. J'ai adoré. Merci pour cette sélection. Alors, c'est la première. En fait, je crois que vous êtes trompé. Hein. Je sais pas de quoi vous parlez. Célia, elle a déjà placé plein de fois des morceaux. Hein. Non, mais c'est pas moi. Ah merde, la générique trop tôt. C'est pour mieux faire un teasing de teaser. C'est du teasing, ça, tout ça. Du teasing de teaser, c'est pour ça qu'on se trompe. Du teasing de teaser, des gens qui teasent. On est vraiment au lendemain de la veille, les gars. C'est du langage de Jones des années 80. Des années 90. On prend pas le vague comme ça. Ok, boomer. Célia, je te laisse la parole. Du coup, c'est moi ou c'est là? Non, vas-y, j'en prie. Ça marche. Eh ben, je vais passer un morceau du groupe qui fait qu'on est dans cet état-là aujourd'hui. Qui a joué à minuit 3. C'est ça. Je vais passer Fonce de Utopie. C'est un morceau qui est sorti d'abord sur leur démo Nouveau Souvenir, qui est sorti en 2020 chez Dirty Slap Records, le label lillois de cassette. Big up à Cyril. Et il est ressorti, il a été remasterisé et remixé sur un flexidisc. Il est ressorti en 2022. Non, le flexidisc c'était quelques morceaux, mais je crois que ce que tu parles c'est sorti sur un vrai vinyle. Sur le LP. 12 pouces. Sur le 12 pouces, il est sorti. Le morceau fonce et sur le flexidisc. Et le flexi est aussi sorti en 2022. Avec moi en Utopie, quoi. Balèze. Pour te dire, je ne dirai rien. C'était un super teasing de super. Pardon. Bon, on va foncer dans Utopie. Hein, Allez, pardon, j'efface. Il y a un potard qui fait téléphone. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'était bien, Utopie. Ouais, ça marche toujours. Ouais, c'est une super soirée quand même, encore au club. C'est quand même vachement cool cet éclectisme que tu peux avoir dans ces lieux. Voilà, il y a quand même, c'est quand même passé du rap au punk, au reggae, même à la techno à la fin. Même dans le public, hein. Oui, carrément, à fond. Du punk, du squatteux, du hooligan, du skin, du hard and bass, du paradisiac field. Du... Ouais. Ah, pareil, je comprends mieux l'état de certains. Bon, la pression en Belgique, on la boit, il paraît. Ah, c'est vrai, bien, tout à fait. Bien vu. Alors, pour mon baptême du feu, j'ai décidé de vous présenter... Où sont mes notes? J'ai décidé de vous présenter un morceau d'un groupe de punk hardcore sud-coréen, donc on n'est pas très loin de notre chère Corée du Nord, mais de Séoul plus précisément, et donc il s'agit du groupe Slend. Oh là là, de mémoire. donc c'est composé de 5 membres, 4 messieurs et une toute petite madame bien dynamique qui s'appelle Yeji. Et c'est elle qui m'a fait kiffer le morceau parce qu'elle a une voix absolument incroyable. Bon, ça hurle très fort. Parfois, ça fait penser à des griffes de chat sur un tableau noir. Et je voudrais pas être son monsieur lorsqu'elle est fâchée. Mais c'est très cohérent. Et musicalement, ça m'a fait penser à du Minor Threat ou du Youth of Today, ce genre de hardcore punk américain des années 80. Et donc, on va écouter le morceau Prison, qui a été sorti sur leur démo 2018 et puis repris sur leur album de 2021, sorti au label Iron Lux Records. On écoute Prison. Eh ben, merci pour Slant. Donc, merci second Val. Coréen. Merci Val. Pour cette excellente première. T'as fait ça toute ta vie. Mais plaisir. Et je vais enchaîner avec un groupe que visiblement Stéphane a déjà passé, mais forcément j'ai pas écouté toutes les émissions et tous les morceaux qu'il a passés. Donc voilà. Il faudrait une vie. Du coup, j'étais trop content de vous faire découvrir ce groupe croate qui est Misère. Miserija, écrit en croate. Voilà, t'es quand même content de faire français, découvrir. Tu vois. Je suis content de vous le faire découvrir, ouais. Mais du coup, je pensais le faire découvrir grand leader Stéphane, et malheureusement. Faut pas penser surprendre Stéphane, C'est chose compliquée, je crois. Et leur morceau ça s'appelle Fleur de Ville, Gratsky Tsvetoji, un truc comme ça. Ouais. Et Hutch. Voilà. Du coup, c'est un jeune groupe. C'est leur premier EP qu'ils ont sorti cet été. J'ai hâte de voir ça en live, hein, voir ce que ça donne. C'est une sorte d'anarcho-pop singulière avec des crochets sombres et post-punk. Et des voix qui vont vous donner envie. Envie de quoi ? Envie de quoi ? Envie de quoi ? We'll be right back. to go to school. Too late to go to school. Go to school. Je crois qu'on est en retard, Audrey. Je crois qu'on est tout seul en plus dans le studio. Je crois qu'ils nous ont lâchés. Ils ont cru que c'était Noël ou un truc dans le genre. Mais bon. On va continuer à deux. Hein. Donc du coup, On vient d'entendre Pimp Blump. C'est ça. Pimp Blump en deux mots. Et le morceau s'intitule School. Et c'est un petit peu grungy pop, un bras naïf et plutôt efficace. C'est un quatuor des Pays-Bas. Deux albums à leur actif, ils n'ont malheureusement pas toujours été épargnés par la critique, mais moi je trouve qu'ils font le job bien comme il faut, c'est un petit bonbon électrique, c'était chouette. C'était mignon, ouais. C'était chouette. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait du bien. Au lendemain de la veille, c'est bien. Et puis du coup, on s'est aperçu que le morceau de Wine Leaves, que t'as passé, je l'avais prévu aussi. Ben voilà, comme quoi on était raccord sur le morceau et sur le groupe. Quel talent, c'est ça, le friendship. C'est comme ça, c'est la connexion. Les connexions se font. Exactement. Voilà. Et heureusement, Célia nous a prévu un morceau. Oui. Ah, c'est à moi. Non, vas-y, Thibaut. Allez, Thibaut. Thibaut, je mettrai après. Allez. Zone Infinie, vous connaissez, c'est bien, mais quand ils font des reprises, c'est encore mieux. Tout est chaos de Mylène Farmer, qui est paru en 2021 sur l'album Atomisé. Et on dira aussi qu'ils seront au BNR, au bout de nos rêves, à... Merde, tu sais jamais. Tournée, mais c'est Goran Ramcroy, exactement. Oui. Ouais, c'est ça. Et le 6 janvier, donc vendredi prochain. Et le 7, ils seront au Magasin 4 à Brussels. Avec des groupes que tu connais bien d'ailleurs. Tu m'as dit, oh, ils sont encore là et tout. Moi, je connaissais pas, mais c'était quoi le groupe? De quoi tu parles? C'est le groupe belge là qui joue au Magasin 4 la semaine prochaine. Oula! T'en demandes beaucoup là. Non, j'ai pas la preuve entière. C'est de ma faute. Non. Et en tout cas, cette reprise. Voilà, si ça vous plaît, n'oubliez pas les concerts de Mylène Farmer, c'est sur www.mylenefarmer.com. Dédicacer cette chanson à Audrey, voilà. Ah oui, merci. Thank you. Et c'est quand même un tube, hein, parce que tout le monde autour de la table chantait. Peut-être à l'exception de Célia. C'est vrai, mais je connais. Ouais. Mais elle chantait dans sa tête. Et du coup, ouais. on a retrouvé la programmation au magasin 4. Voilà, ils seront avec ton groupe préféré, du coup, la marmite. Oui, tout à fait, je confirme. Ouais, ouais, ouais. Et la faction, voilà. Ou faction. Oui. La marmite, dedans, il y a des mecs de René Binamé, si je dis pas de conneries. Il me semble, oui. À voir. Mais c'est quoi cette affiche improbable? Bon, moi je trouve couleurs, ça je logique, hein, Redi Binamé, Zone les Infinie, Faction, ouais, voilà. Oui, ça suit. Hein. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Allez, on va parler d'un drapeau vert, rouge et blanc. L'Italie? Non. Mais non. On va passer à un groupe basque qui s'appelle Culture Agressive générale. Combat. Alors le groupe il s'est formé en 2004 et est composé de Mara au chant, Nebado à la batterie. Et Daritz à la basse. Ils ont changé plusieurs fois de guitariste, mais là, j'ai pas d'informations sur Mejan. Leur premier album est sorti en 2006. Il s'appelle Etorkizun Iluna, avec 10 morceaux en basque et en anglais. Ils reviennent en 2008 avec un enregistrement de Survive, un mini-album 5 titres, et sont partis en tournée pour présenter ce mini-album. En 2013, sort l'album Back in the Street, et en 2015, un split avec leurs amis de Scarmento. C'est à cette époque qu'ils ont ralenti le rythme des concerts, car parallèlement, Nebado et Aritz ont joué dans un groupe qu'on a déjà passé dans le Pyongyang City Rockers, Hawking Tugs. Et d'ailleurs, ils ont fait une belle reprise de... je vais dire une bêtise, je vais pas le dire alors. Toujours pas des masses de concerts, puis il y a eu la pandémie mondiale. Le groupe retrouve le chemin des studios pour enregistrer 5 nouveaux morceaux qui sortiront normalement cette semaine. Ou alors début de semaine prochaine. Sur le label madrilène Tough Ain't Enough, dont on vous reparlera incessamment. La pochette est signée Thomas Troisbière et Aritz, bassiste qui est aussi tatoueur. Je vous propose le morceau Break the Chains tout de suite dans ton Pyongyang City Rockers Radio Campus 106,6. Let me tell you a story, not so long ago, about a mouth fella, I guess you will know. Learn. parce que c'est bien. Voilà, c'était Agressif Combat, un groupe basque. Je crois que toutes les semaines, je vais passer un groupe basque maintenant. C'était déjà bien commencé. Tu veux te faire loger en basque ou... Ouais, c'est déjà fait, ça t'inquiète, on y va au mois de mars. C'est pour ça qu'on verra pas un infini. Ah oui. Non, pas un infini, ton truc de tout à l'heure. Là. Ah, bombardement. La marmite. Bombardement, voilà. On verra pas un infini non plus, enfin pas moi. Audrey, elle nous a prévu un morceau surprise derrière les fagots. Le espagnol là. Ouais, en Barcelone. Une fois n'est pas coutume, je vais passer de la Hoy avec Brooks. Alors Brooks, c'est aussi une commune française de la Vienne, département 86. Bah c'est pas là qu'on va. C'est pas là. Donc on se casse fissa vers Barcelone, hein, parce qu'il fait un peu plus chaud, tout ça, tout ça. Bon, après, il parle comme ça, et on se prend plein de potions dans la gueule. Ceci est une autre histoire, bref. Et Brooks, moi, ça me rappelle de très chouettes personnes et de fort bons moments. C'est pour ça que j'ai choisi, en fait. Ils ont sorti quoi ? Une longue démo qui est hyper cool et un LP hyper strict. Très, très bien. Et donc, j'ai choisi le morceau No Cierres el Bar. No Cierres el Bar. Ne fermez pas le bar, et c'est une bonne idée de merde dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Et ben voilà, écoutons donc Brux. Oui, non mais t'inquiète, le bar est ouvert. Ah, mauvaise idée. Ce petit poutoum poum poum de fin, tu vois, ça c'est change des crossfaders. Ah, t'as la bouche pleine. D'accord, cette émission, c'est quand même un peu l'émission du Jean-Michel à peu près. Hein. On est à peu près là, on est à peu près concentré, on est à peu près en forme, on est à peu près. Ouais, demande à Gaël, s'il te plaît. Gaël, je te demande. Tu vois, il est d'accord. D'accord. T'es à peu près, c'est toi Jean-Michel à peu près en fait, d'accord. Voilà. Bon, de toute façon t'es pas là pour répondre, donc t'es là dans le fiac, c'est ballo. Pour la suite je vous propose un morceau qui date de 82, qui nous vient de Syracuse, un groupe qui s'appelle les Catatonics, un groupe de hardcore de New York. J'aimerais t'en voir. Voilà. Pour histoire qu'on se rappelle aussi que de la base, un petit peu. Allez, bras. Tout de suite, Never Again. Never Give Up. Oh, il a dit qu'il n'avait pas encore passé celui-là. C'est bon. Ah, c'est fou. Never Give Up. c'était les Catatonics avec leur morceau Never Again. Et on va vous dire au revoir et à l'année prochaine. Hein. C'est ça. Et pour terminer, on va passer presque deux fois le même morceau. Presque deux fois le même morceau. On avait la même idée. C'est ça. Du coup, on va passer les Specials, un groupe que je pense qu'on n'a plus vraiment besoin de présenter. Le morceau Ghost Town, qui est sorti en 81 sur un 45 tours du label Two Tone. Et petit hommage aussi au chanteur Terry Hall, qui est décédé il y a quelques jours. Le mois de décembre, c'est un peu quand même un mois merdique pour les Specials, parce que tu avais aussi le batteur initial, John Bradbury, qui est mort le 28 décembre 2015, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et du coup, bah là, on a eu Terry Hall cette semaine, la semaine dernière aussi. Et ça craint du boudin, moi je m'en remets pas. Et du coup, bah, pour finir derrière les Specials, il y aura la reprise de ce morceau en français du coup par le groupe Utopie, qui est sorti sur l'album Seconde Figure en mars 2022. Voilà. Bisous. Bisous à l'année prochaine. Hein. Bisous à l'année prochaine. Et on n'oublie pas Acap toute l'année. Hein, Acap Pulco. Ah, c'est la dernière vanne de cette année. Oh, bisous. On coupera ça au montage. Non, jamais. This place is coming like a ghost town. Bands won't play no more. Too much fighting on the dance floor. C'est comme une